love you, Mike. Enculé. Y'a ceux qui comprennent, y'a ceux qui font semblant, j'ai pas parlé sans temps. Y'a ceux qui font des cambus sanguins pendant que leur mère sont un sans d'encre. Avec la musique, ça s'endort. Je me réveille, je m'en fais un derbe. J'ai les cernes, tu défoncé, j'ai fait cracher le mic, ça sent l'or. Je sers, même plus je sors, pourquoi ça m'a dégoûté. Frérot, quand tu sors de la merde, fais tout pour plus la goûter. Et stage demande des poutous sur l'autoroute, mise vos photos. J'en ai marre, toucher des 50, je crois que je vais me reprendre une photo. Je passe à la lime, prendre un biquet, marche plus, mon allume cigare. Sur la route, m'en fais un gros, je fais des freestyle et un clochard. La liberté, ça bouge cher, mes frères en prison te le diront. Je sais ce que je fais, je sais ce que je vois, alors je dis rien. Le français, il a fait sa gamelle, on part travailler, y a pas le choix. Ça veut s'en sortir mais ça veut pas tailler. Ça la dalle, poster en bas du bloc. Ça crie des mois de fuck à la police. Sors le bloc à la Tony. Ça fait du foot, pas du tennis. Ça fait des douilles dans les comptes. Avec du shit plein les couilles. Ça reste dehors et il caille. Pour respecter, faut que tu cognes. Je passe dans le 14ème, j'entends le bruit des crosses. Que des roues arrière, y'a les siffles tourne à gauche. Moi j'ai sucé des gains, j'ai battu mais c'est tout. En plus elle s'éteint et les fils de jalousie, c'est quand qui s'éteint. Et quand tu passes, pourquoi tu fais le mat, pourquoi tu freines. En plus tu fais marche arrière pour faire la denne. J'ai grandi là où tu vois des techniciens comme là c'est les sao. Je mets les hauts clés moi parce que ces lunettes c'est les sales. Je mets les claquettes même quand il pleut, je m'habille comme ça me plaît. Il est là quand il faut, pas la quand famille, il peut. Gros, y'a que ça de vrai. Qui va dire quoi? Qui va faire qui? Arrêtez un peu, vous êtes bien sympa, mais restez simple. J'aime la vie, alors je m'accroche à elle, mais demain je peux mourir. Alors comment vous dire que je m'en tape de vos délires? Je suis dans l'espace. Et les gars de mon espèce sont bons qu'à aller au taf, faire de la passion leur espèce. Au plaisir, tu m'as lâché, c'est que c'était écrit. On devait pas traîner ensemble, c'est comme si c'était prédit. Depuis petit que je traîne dehors, je rentre jusqu'à tard. J'ai pas changé, changerai pas, même si demain j'ai les sous du Qatar. Je vis ma vie, je me plais rarement, et bizarrement. Toi, je vois que tu trouves toujours le moyen de me cacher mon moment. Ouais, shalom, maman, je tape beaucoup ces temps-ci, les temps sont durs. À dire que pour avoir des sous, l'autre il vole sans père, et l'autre le temps sans derche. Je te donnais ma confiance, j'ai vu qu'avec le temps, ouais, les gens sont faux. Sans des PO en Nike, tu connais l'ovni au mic, on charbonne et on maille. Et bye bye les Caraïbes, je me verrai au Caraïbes, je me verrai au paradis. Pour l'instant, je suis à Marseille, je lève le thème, je suis paradis. C'est pour ceux qui me soutiennent, les Abdou, les Antoinette. J'ai besoin d'un album pour te montrer que c'est d'une autre planète. Je détaille ce que je vois, je posais le pet sur la canette. J'ai des potos qui attendent tous les jours de toucher la cagnotte. Au PMU ou dans le parc de la zone, avec les vieux de la vieille, ça met la sienne. Même si à peine, ça fait des crédits à Payol. En ce moment, je regarde l'OM, j'ai envie de dire merci Payette. Pour les blocs qui se posent des paillotes avec des petites paillotes. Dans la poche, la petite palette, ça finit dans des paillotes. En déguste à la playa pendant que moi j'écris mon planète. J'écris vers les stacks, je prends mon douille, chaque bête. Tu m'en veux, c'est bête, frérot, que tu lèches tes bottes. Écoute, lâche des bites, et je sais qu'un jour il cache tes bottes. Sois toi et je t'écoute, nique-moi et je te casse les côtes. Que je fume des connes, rien que je déconne. On fume sur la bécane, toujours avec la même dégaine. Et que je croise des fans, ils font le signe, ouais, c'est fan. Elles sont dangereuses, c'est pas maintenant, y'en a qui ont des guns. Normal que je le prends mal si tu te manques, ma chérie. Je m'en fais un ro après mon coca, chérie. Je taffe tous les jours dans ce game, faut pas périr. J'en ai mal au cerveau, ne croyez pas que ça me fait rire. Dans la vie, pour une poussette, ça part à mauvais d'elle. Dans la zone, cache ta gadji si tu leur veux d'elle. Hein? C'est l'avenir au mic, mec. Hein? On est là, hein? Ça va péter. Ça va péter fort, hein?